Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial d'Horreur Gamer, un épisode entièrement musical, aucune critique de film, aucune discussion, en fait je suis tout seul avec vous, mon nom est Jean-François Tremblay et je vous accompagne à travers une heure de sélection musicale que j'ai choisie pour vous. On va passer pendant toute l'heure du rock au psychobilly, au classique et à plusieurs autres genres. Les pièces que j'ai choisies, les chansons et les pièces instrumentales sont tirées ou inspirées de films d'horreur. On va commencer sans plus tarder avec une pièce qui m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune et qui m'a ouvert à l'univers de l'horreur, dans un sens. En l'écoutant, je me créais des images dans ma tête, je me créais un film dans ma tête. Et ça s'appelle « Danse macabre » du compositeur français Camille Saint-Saëns. Sur le CD que je possédais à la fin des années 80, que je possède toujours, on retrouvait dans le livret un texte qui décrivait la pièce et qui, donc, a alimenté ces images-là que je m'étais créées dans ma tête. Ça va comme suit, je cite « Malgré son titre, il ne faut pas rechercher ici des sensations d'épouvante. La trame de l'ouvrage peut se résumer ainsi. Tout d'abord, à la harpe doublée par le cor, les 12 coups de minuit, l'heure du sabbat, se font entendre. Puis le violon énonce le premier thème, simulant la mort accordant son instrument, avant que ne commence la danse des trépassés. Suivra une valse lente, au rythme haché, immédiatement suivie par une parodie burlesque du Dies Irae, tandis que le xylophone imite le choc des ossements entre eux. Cette bacchanale funèbre, le jour se levant, sera interrompue par le chant du coq et l'apaisement vient. Les ombres regagnent leur tombeau. » Quand j'étais jeune, ça me fascinait. Donc, sans plus tarder, « Danse macabre » de Camille Saint-Saëns. Thank you. imagine, if you will, that the most frightening things on Earth are about to come out of the darkness. They will look surprisingly like your neighbors, your friends, your family. This situation must be controlled before it's too late. They are multiplying too rapidly. Now accept the fact that there's no escaping the awful consequences. We've got to survive. Somebody's got to survive. When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Dawn of the Dead. They must be destroyed on sight. There is nothing you can do to stop it. It's too late. It's already happening at a theater near you. Dawn of the Dead contains scenes of violence that may be considered shocking. No one under 17 will be admitted. Dawn of the Dead from United Film Distributing Company. Tell a little story about a girl from far away. You might feel bad, you might feel sorry about what happened. So they say, well, once upon a time there was a sweetheart, a pretty girl flicked a thread. And I don't know why something grabbed her hand. I heard filled with your friends. But they are all dead. Suddenly, one by one, they begin to move. To live again. What the hell are they? Zombie. How can we stop them? Here, take this. Zombie. They are decaying. They are missing from their graves. Shoot them! Zombie. It's shocking. That's why no one under 17 will be admitted. Save me. Alors, on vient d'entendre Zombies Ate Our Brains par le groupe de Creepshow. C'est tiré de leur premier album, Sell Your Soul, en 2006, quand c'était la grande sœur de Sarah Blackwood, Jen Blackwood, qui était chanteuse. Si je le mentionne, c'est parce que Sarah Blackwood a mené pendant longtemps le groupe, jusqu'à ce qu'elle se joigne à Walk of the Earth et devienne très très très populaire. Mais sur le premier album du groupe, et dans les premières tournées, c'était la grande sœur, Jen Blackwood, qui chantait, et c'est elle qu'on vient d'entendre. Juste avant, on a entendu I Walked with a Zombie par Rocky Erickson and the Aliens. Et non, ce n'était pas Mick Jagger, même s'il sonne bien pareil. Rocky, R-O-K-Y, Erickson and the Aliens. Et I Walked with a Zombie, c'est aussi le titre d'un excellent film de 1943 que je vous recommande. On poursuit avec une chanson tirée de la trame sonore de mon film d'horreur préféré, Dawn of the Dead de 1978 de George A. Romero. Et c'est une chanson qui sort un peu du lot, une pièce musicale en fait qui sort un peu du lot et qui n'est pas nécessairement la musique d'épouvante, mais qui justement, moi à chaque fois que j'écoute le disque, c'est en ce qui me concerne, c'est une chanson qui ressort toujours, qui me plaît énormément parce qu'elle est justement incongrue. Et ça s'appelle Safari du groupe Goblin. I'll drink your blood if you got sickle cell anemia. I'm sick as hell and fiending ya. I'm haunting every dream of ya. Seemingly misleading ya just to hear you scream because blood is as sweet as moonshine whiskey. Join outside, you can drink some with me. Yeah. We've all got to spill. You know the day. Cause we're so alive when we kill, kill, kill. We're coming to kill. We're coming to kill. Concentrate as I fillet your brains like Salisbury steak. I'll burp you up later for getting what I ate because blood is as sweet as moonshine whiskey. Join outside, you can drink some with me. Yeah, we've all got. We're coming to kill ya, coming to kill ya. We're coming to kill ya, we're coming to kill ya. We'll all invade your body, don't try to stop me. Why not Oingo Boingo, but it's a dead man's party. So send your little hotties out on the front porch. We'll have them for dinner and make love to their corpses. I'm your carcinogen, the dark winds again. Rip your heart in 10 parts and grin again. I'll terror the gin, choke your neck fast with my dead hands. And for breakfast, I'll eat your sweat glands. And for dessert, I'll wear your skin as a shirt. Eat your muscles like chicken and throw your bones in the dirt. It'll hurt as we eat ya. Let the creatures defeat ya and arm your friend Johnny and a preacher. Coming to kill ya. Let us in, cause we're coming. We can't die trying. You can't try running. You're finished. Quit grinning. We're gonna win this. We'll mix your blood with gin and chase away the Guinness. Because blood is as sweet as moonshine whiskey. Join our side, you can drink some with me. Yeah. We've all got to spill. You know that it, cause we're so alive when we kill. We're coming to kill ya, coming to kill ya. We're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya. I like hemoglobin in my mouth, your frontal lobe until I spit it out, yo. We be gloating, humans taste like trout, and some after dinner smokes are what I'm all about. So take your eyes out with tedious care, my mischievous stare and devious glare. We'll take your greasiest pair of knees, tits, and hair, and you know I'll eat them raw, fuck medium rare. Blood is as sweet as moonshine whiskey. On our side, you can drink some with me. Yeah, we've all got to spill. You know the day, cause we so alive when they kill, kill, kill. I said, blood is as sweet as moonshine whiskey. On our side, you can drink some with me. Yeah, we've all got to spill. You know the day, cause we. Kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to kill ya, we're coming to and his hand. The horse is the white of the eyes and dark within. Thank you. Abracadabra, I sit on his knee. Presto, change-o, and now he is me. Hocus pocus, we take her to bed. Magic is fun. We are dead. Joseph E. Levine presents Magic, a terrifying love story starring Anthony Hopkins and Anne Margaret. Rated R. On vient d'entendre la pièce Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima. Ça date de 1961 et c'est du compositeur Krzysztof Penderecki. Ça a été joué par un orchestre de Varsovie et si je l'ai présenté ici, c'est que ça a été utilisé par David Lynch dans la saison 3 de Twin Peaks qui est en cours en ce moment. L'épisode le plus récent que j'ai vu au moment d'enregistrer cet épisode-ci, c'est l'épisode 8 de Twin Peaks. Et dans l'épisode 8, ça a été utilisé dans une scène qui est tout à fait formidable et dont je ne dirai absolument rien pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu. L'épisode 8 a été qualifié par plusieurs journalistes et commentateurs et gens du public comme étant peut-être l'heure la plus originale et la plus what the fuck de l'histoire de la télévision. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est probablement l'une des choses les plus bizarres, étranges et fascinantes et jouissives que j'ai vues de toute ma vie. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette pièce-là. Et juste avant, on a entendu « We're Coming to Kill Ya ». C'est tiré du film « Dead and Breakfast » de 2004, une comédie d'horreur dont on ne parle pas assez. Et c'était par Zachariah and the Lobos Riders, qui servent un peu de narrateur pour le film, en quelque sorte. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais j'avais beaucoup aimé ça. On va continuer avec Harry Belafonte et une pièce que j'apprécie beaucoup, qui n'est pas tirée d'un film en particulier, mais qui parle de mort-vivant, le Zombie Jamboree. Allez Harry, vas-y! It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. It was a zombie jamboree, took place in a New York cemetery. Zombies from all parts of the island Some of them was a great Calypsonians. Although the season was carnival, they get together in Bacchanal and they're singing back to back, belly to belly. I don't give a damn, I done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. One female zombie wouldn't behave. See how she jumping out of the grave. In one hand, a quarter rum. The other hand, she knocking conga drum. The lead singer start to make his rhyme. The zombies are rattling their bones in time. One bystander had this to say. Was a pleasure to see the zombie break away. And they're singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. Oh. I go and talk to Bridget Bardot. I tell her, Miss Bardot, take it slow. All the men think they're Casanova when they see that she's barefoot all over. Even old men out in Topeka find their hearts getting weaker and weaker. So I go ask her, for your sake and mine, at least wear her earrings part of the time. And I'm singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. A lot of world leaders talking about war, and I'm afraid they're going too far. So it's up to us, you and me, to put an end to catastrophe. We must appeal to their goodness of heart and ask them to pitch in and please do their part. Cause if this atomic war begin, they won't even have a part to pitch in. And we'll be singing back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. I hear you talking back to back, belly to belly. Don't give a damn, done dead already. Oh, back to back, belly to belly at the zombie jamboree. You'll find the secret. To find the answer is to keep it. You'll believe it when you find something screaming across your mind. Green slime. What can it be? What is the reason? Is this the end to all the reason? Will you believe it when you're dead? Green slime. Man has looked out to space in wonder for thousands of years, sometimes thinking that life could be somewhere. Is it just something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime, green slime, green slime, oh, green. On vient d'entendre Heading West, tiré de la trame sonore de la mini-série The Stand, inspirée du roman de Stephen King, mini-série de 1994, que j'ai regardé à la télé à l'époque et j'ai regardé après ça un nombre incalculable de fois et que j'aime énormément. Puis le CD, la soundtrack, c'est extraordinaire. C'est comme un peu la... Je compare souvent la soundtrack de la première saison de Twin Peaks, qui est un album qui... C'est des albums qui s'écoutent indépendamment de l'œuvre à laquelle ils sont attachés. Fait que c'est ça, la soundtrack de The Stand, ça s'écoute tout seul. C'est absolument extraordinaire comme trame sonore. Juste avant, on a entendu The Green Slime, la chanson thème du film du même titre, de 1968, qui est un film de science-fiction, mais qui contient un peu d'horreur. Et j'aime tout simplement ce thème-là, c'est tellement épique. Et, interprété par Richard Delvey. On va conclure l'épisode. Tout d'abord, je voulais juste vous remercier d'avoir écouté ça, d'avoir écouté ce petit épisode-là, cette expérience-là, que je vais sûrement répéter. Si vous avez aimé, alors j'espère que vous allez continuer à écouter les prochains épisodes. Et donc, si vous êtes intéressé par les pièces que vous avez entendues, les chansons, les pièces instrumentales, toutes les infos se trouvent dans les notes de l'épisode, sur notre site internet ou dans l'application où ce que vous écoutez cet épisode-là en ce moment. Toutes les notes sont là, il y a des liens pour cliquer, pour acheter les pièces, les albums, etc., etc. Et si vous achetez des albums via les liens Amazon, ben ça nous envoie une petite ristourne à Horror Gamer, ce qui est toujours très apprécié. Et même si vous le faites pas, ben on vous aime quand même énormément. Vous êtes nos fans préférés, les meilleurs fans du monde. Et je dis ça très sincèrement. Et donc, je peux pas ne pas mettre la prochaine chanson. J'ai commencé l'épisode avec Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, qui m'a beaucoup, beaucoup influencé comme pièce instrumentale. Une chanson de 1982 qui m'a énormément influencé. J'avais 5 ans à l'époque, peut-être 6 ans max quand j'ai vu le clip pour la première fois. C'est Thriller de Michael Jackson. Je peux pas faire un épisode comme ça sans mettre Thriller, qui reste 25 ans plus tard, 25 ans? 35 ans, ouais, 35 ans plus tard, wow, la chanson est vieille, et moi je suis encore plus vieux, 35 ans plus tard, c'est une, ça reste encore l'une des meilleures chansons pop de tous les temps, selon moi, et donc on va aller écouter ça, et je vous mets un petit bonus juste avant la chanson, et ensuite, je vous nomme pas le titre, vous irez voir dans les notes de l'épisode, mais si vous ne les avez pas encore lus et que vous êtes gardé à surprise, ben la chanson qui va conclure l'épisode est une petite chanson qui, sous ses airs inoffensifs et romantiques, si vous avez vu le film dans lequel elle joue plusieurs fois, vous allez voir, vous savez à quel point une chanson peut, malgré ses airs très doux, peut être extrêmement creepy. Et en plus, c'est un verre d'oreille, donc c'est ma façon à moi de vous jouer un tour puis de faire en sorte que vous ayez cette chanson-là dans la tête pendant des heures et des heures après l'écoute de l'épisode. Alors, je suis Jean-François Tremblay et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis, gardez ça horreur. Hi, this is Michael Jackson. This is Vincent Price. Michael Jackson is... The Thriller. Do we both say it? Say it together. I say inviting you to? All right, yeah. Okay. Anytime, test roll. Hi, this is Michael Jackson. And this is Vincent Price inviting you to... The Thriller. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, Yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream. But no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Can you dig it? It's great fun. It's a great tango. Cut. Okay. All right. Thank you.